ma main sur ton corps et ton âme qui glisse entre mes doigts. Ce soir, l'amour et la lumière vont venir reprendre l'étincelle de ta vie. Sur ton corps et mes larmes qui glissent entre tes doigts. Ce soir, toi, Dieu qui la regarde, tu vois tout ça de haut et tu t'en fous qu'elle s'en aille. Je n'aurais jamais cru que le monde pouvait en si peu de temps changer. Et là, ce soir, l'amour m'a fait pleurer. J'aurais jamais cru que le monde pouvait en si peu de temps changer. Et là, ce soir, l'amour nous a fait pleurer. Ma main sur ton corps et ton âme qui glisse entre mes doigts. Ce soir, l'amour et la lumière vont venir reprendre l'étincelle de ta vie. J'aurais jamais cru que le monde pouvait en si peu de temps changer. Et là, ce soir, l'amour nous a fait pleurer. Et toi, maman, qui n'es plus là, je revois tes yeux pour la dernière